pensée. Mon cœur c'est force, l'amour, la jeunesse. C'est passion qui s'insère. Ou vrai moi sou, ou pas vrai les moi des souhaits. Decide.